Bonsoir et bienvenue à l'émission L'Épineur du Chef. Jeunes auditeurs et auditrices que vous êtes, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Un beau jeudi soir de novembre, c'est-tu assez merveilleux? Nous sommes de 14 au soir. Cher novembre, alors je vous souhaite une bien belle soirée. J'espère que vous avez passé une belle journée. Comme je le dis à l'habitude, j'espère que les gens ont été gentils avec vous, qu'il y en a au moins un ou une qui vous a parlé, qui s'est aperçu que vous étiez là, et que vous avez entamé peut-être une petite conversation là, avec quelques mots d'usage, dont dans le fond, ou je ne sais trop quoi. Donc, des fois, on va un petit peu plus loin, il y a quand même d'actualité, il y a l'intérêt par rapport à la santé de l'autre, l'intérêt par rapport à sa famille. Dieu sait combien les gens sont intéressés par nos vies. T'sais? Alors, j'espère que c'est ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui. Alors, ce soir, on va errer dans un 14 novembre. C'est pas le 14 juillet, là, on s'entend bien. Et CKRL nous permet, nous, animateurs et metteurs en ondes et disc-jockeys que nous sommes, de pouvoir être libres dans le choix musical. C'est ce qui fait en sorte que j'y suis toujours après toutes ces années. Et c'est une émission c'est une station plutôt qui est avec des vraies personnes, hein, c'est des gens qui ne jouent pas à quoi que ce soit, qui jouent pas à être de bonne humeur, qui jouent pas à être up-tempo nécessairement. Et c'est ce qui me plaît beaucoup dans cette station. Alors, on peut se permettre d'être ce qu'on a envie d'être. Alors, ce soir, je serai celui que j'ai envie d'être. Et j'espère que cela vous plaira. Alors, nous avons rendez-vous ensemble jusqu'à 22h, où que vous soyez sur la planète, si vous m'écoutez de loin, de proche, ou alentour, ou même à Québec ce soir, en solitaire ou en solitaire que vous êtes, sachez que nous sommes une grande communauté d'auditeurs, et qu'ensemble, ben, on est peut-être un petit peu moins seul. Passez une belle soirée à l'antenne de CKRL, puis si vous écoutez ça en plein jour, ben, passez une belle journée. C'est l'opineur du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now, let's face a situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out, because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up into the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother. And you damn well better treat each other that way, because if they don't, then we blow the whole thing. But we've got it right there. Thank you. years ago were coming to this life. The son of a woman and a man who lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil to be different kind of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know, why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Morning comes the sunrise and I'm driven to my bed. I see that it is empty and there's devils in my head. I embrace the many-colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Singing sad songs when you can't. sing the songs and make me glad. So when you look into the sun and see the words you could have sung, it's not too late. Summer always comes anyway. So when you look into the sun and see the words you could have sung, it's not too late. It's like awaking from a dream. All I remember is the lullaby. I couldn't tell you where I've been. A thousand images just flutter by, taking my time in a white limousine. If I was the king, she'd be my queen. Before me sits a butterfly, and as I watch she gently cries, can there be anyone who pity her? How many faces have all of you been? If I before me sits a butterfly, and as I watch she gently cries, and as I watch she gently cries, can there be anyone who pity her? How many faces have all of you been? If I Il y aura toujours du monde qui diront jamais que c'est beau ce que vous faites, qui répondront pas à vos courriels, qui vous parleront même pas de votre nouveau chandail. Pourtant,

the churchyard by a river, laying in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand miles of moonlight later. Écoutez l'opineur du chef avec Denis Barry qui vous met des disques comme ça depuis 20 heures. Ça va aller jusqu'à 22 heures. J'espère que ça vous plaît. C'est le mois de novembre, hein? Ah, il y a pire, mais quand même. C'est quand même novembre. Alors, on vient d'entendre les Pink Floyd avec... je dis toujours les Pink Floyd, mais vous savez comme moi que... c'est Pink Floyd, hein? Avec Cyrus Minor, c'était tiré du disque More. si un disque, je l'ai déjà dit, si un disque qui pour moi représente bien le son de cette période de vie-là, c'est ce disque-là, le film, la trame sonore du film More. Tout juste avant, on a entendu Ride Across the River, c'était bien sûr Dire Straits, c'était tiré du disque Brother in Arms. Avant, c'était King and Queen, c'était les Moody Blues. Et ça, c'est tiré d'un vieux vinyle qui s'appelle les Moody Blues, Couch Live plus 5. C'était enregistré en direct, la plupart des chansons étaient enregistrées en direct le 12 décembre 1969 au Royal Albert Hall. Ça vaut ce que ça vaut, la version live, mais quelques versions, quelques pièces inédites, dont celle-ci, qui sont sur le quatrième côté. Et ben, ça me faisait plaisir de vous faire jouer. Voilà, il vient de partir dans le coin. Avant eux, on a entendu Look Into the Sun, c'était Jethro Tull, tiré de l'album Stand Up. Je sais pas si vous avez l'album Stand Up entre les mains ou pas loin, le CD. Vous remarquerez que c'est un dessin, hein, que sur la pochette, ils sont tous bien dessinés. Tous les membres du groupe, ils sont comme dans une forêt. Ils sont pas comme, ils sont dans une forêt. Je vais arrêter de chialer contre le monde, puis je vais parler sur le sens du monde. Donc, ils sont dessinés sur la pochette. Et Ian Anderson, il a les mains croisées. Vous compterez le nombre de doigts qu'il y a. Et le gagnant va se mériter le plaisir de trouver. Et puis, avant, on avait débuté l'émission avec 4 plus 20, c'était Stephen Stills de l'album Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash and Young. Ben, vous écoutez l'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui est là. On va faire quelques publicités, puis on vous revient tout de suite après ceci. OK? Je parle comme si je parlais à mes enfants, là. OK? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Voici Mike G, suspendu à l'antenne de CKRL. Ici Mike G, je suis présentement sur le public G. J'ai plein de temps d'antenne avant. Je vous sens décourageux. Vous désirez vous annoncer à CKRL dans un concept original et unique? Contactez notre service des ventes au 88 640 2575 poste 207. Point d'exclamation fêtera bientôt ses 10 ans. Cette boutique située dans le Faubourg Saint-Jean s'était donné une mission. Encourager et supporter les créateurs et les entreprises québécoises en offrant des bijoux, des vêtements et des objets rares aux gens du quartier et aux touristes. À l'aube de son 10e anniversaire, on peut dire mission accomplie. Précurseur dans le quartier, certains diront même de la ville, Point d'exclamation a fait la promotion de plus de 250 créateurs d'ici, en plus d'offrir la ligne de bijoux Euphorie Design, création de la propriétaire Diane Bergeron. Toujours en mouvement et à la recherche de nouveautés, la boutique Point d'exclamation propose aujourd'hui ses trouvailles, des articles de brocante, sans oublier ses superbes vitrines qui égayeront vos pupilles. Objets d'art, objets rares. Toutes les raisons sont bonnes de s'exclamer au 762 rue Saint-Jean. Abonnez-vous à leur page Facebook pour vous tenir au courant des nouveautés et des promotions. Cette émission vous est présentée par le Chichio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Thank you.

old soul, and a merry old soul was he. So he called for his pipe, and he called for his bow, and he called for his fiddlers three. On the mantelpiece, and I want, and I feel, and I touch, and I know. Bow, bow, bow, bow, bow. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. On y trouve même un Randall. Alors là, j'imagine. Tu veux savoir ce qu'est un Randall? Va le mardi ou le mercredi à la Barberie. Et tu verras ce système de service hyper sexy. Et si tu viens chez moi, je t'expliquerai c'est quoi une creamer. Quoi? Non merci? Tant pis. Livraison! Bonjour Alain! Madame le gouvernement, vous aussi vous utilisez la boîte? Comme tout le monde, je suis effrayée à l'idée de développer des relations interpersonnelles avec ma famille et mes amis. Je consomme des boîtes qui me permettent de me maintenir dans un paradis artificiel, à l'écart des ravages d'une éventuelle et douloureuse prise de conscience sociale. La boîte, du 19 au 30 novembre à premier acte. Billets en vente sur Billettech. Pour plus d'informations, premieracte.ca. On voit nulle part! Cette émission vous est présentée par le Chichio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. Et c'est l'opineur du chef qui est en onde à CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle. Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle soirée, que vous aimez ça, cette émission de radio-là. C'est le fun que vous soyez là. Merci beaucoup, c'est un cadeau de vous savoir là. Après tout ce temps passé, ensemble. Alors, depuis 20h30, on a entendu un tout plein de choses. On a entendu, la dernière pièce qu'on a entendue, c'était Careful with That Tax, Eugene. C'était Pink Floyd, bien sûr. C'était tiré de la trame sonore du film Pink Floyd à Pompéi. Je sais pas comment c'était, vous, quand vous écoutez ça, si vous aviez à peu près dans les mêmes âges que moi, même je sais que chez moi, quand j'écoutais cette pièce-là, ma mère elle disait, Denis, tu vas virer complètement le cave à écouter cette pièce-là, puis tu feras rien dans la vie, tu vas faire des cauchemars, tu vas être paranoïaque, arrête d'écouter ça. Je l'écoute encore, ça va bien, ça va pas si pire que ça quand même. Non, mais faut se remettre dans le contexte, là, tu sais, un gars qui crie comme ça pendant une pièce. Et la question que je me posais, je me demandais si le commanditaire, le Chichio Café, fait jouer l'émission pendant qu'on la diffuse, et comment réagit la clientèle quand on entend quelque chose comme « Careful with that tax, Eugene ». Question comme ça que je me posais. Tout juste avant eux, les Pink Floyd, avant Pink Floyd, mettons, là, on a entendu Pauline Vaillancourt qui nous chantait l'introduction d'un disque merveilleux qui s'appelle Yo Soy la Desintegración. Et puis avant elle, on a entendu Musical Box du groupe Genesis, non pas du groupe Musical Box, mais du vrai de vrai groupe avec Peter Gabriel et tous ses acolytes, Tony Banks, Steve Hackett, Phil Collins, Michael Rutherford et... Phil Collins à la batterie à ce moment-là, il était à sa place. Et tout juste avant eux, on a entendu une pièce du film, la trame sonore du film Birdie de... C'était Peter Gabriel avec la pièce Birdie Fly. Voilà, c'est ce qui s'est passé depuis 20h30 à CKRL. Alors, vous êtes encore en vie, c'est jeudi soir, le 14 novembre, puis c'est merveilleux, la vie est belle, j'espère que vous aimez écouter la radio. Je vous souhaite un bon retour, si tel est votre cas, et je vous souhaite un bel aller, si tel est votre cas, Titou. Et je vous remercie encore une fois d'être à l'antenne, à l'écoute plutôt. Celle-là, c'était pour Marc. Alors, mon cher Marc, sache que... T'es présent? Oui, très, très présent en ce moment, surtout dans des grands feedbacks de même. Marc, c'est un genre de... Comment je vous dirais bien ça? C'est un genre de d'esprit qui veille à, au plaisir de la gaffe que je fais, parce que je suis le roi incontestable et incontesté de la gaffe radiophonique. C'est probablement ça qui fait en sorte que je refais toujours mes classes, et ça, c'est KRL. Et je les remercie encore de me tolérer en ondes. Alors, Marc, il est attentif, il les entend toutes, ces petites affaires-là. Et puis, ben, ça me fait plaisir de savoir que mais c'est pas malin, c'est pas malicieux du tout, c'est juste comme un grand sourire au-dessus de la station qui me fait, au-dessus des ondes et au-dessus de l'auditoire. Alors, mon Dieu Seigneur, je sais pas ce qui se passe ce soir. On va y arriver. Alors, voilà, c'est ça. C'est l'opinion de chef à CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle, puis qui va arrêter juste là de vous parler pour pouvoir faire jouer de la musique. Je vous souhaite une bonne émission. À tout à l'heure. Mistake.

but afraid I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. I've seen the needle and the damage done. like a setting search among the tombstones. suns at midnight. Your hands are empty, the streets are empty. You can't control us. Bien sûr, c'était Sting, de son disque de Soul Cages, on a entendu When the Angel Fall. Tout juste avant, c'était The Needle and the Damage Done, c'était Neil Young. If, c'était Roger Waters, tiré du disque Atomic Mother, avec ses copains Pink Floyd. Et on avait débuté le bloc avec Porcupine Tree, qui nous chantait... Steve Wilson qui nous chantait « I Drive the Earth ». C'était tiré du disque « The Incident ». Voilà, c'est ce qui se passe à CKRL ce soir, à l'opinion du chef. C'est Denis Barry qui vous parle. On revient tout de suite en musique de l'autre côté de la publicité. Et je vous souhaite une belle soirée. Merci d'être là. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Du 11 au 25 novembre, c'est le temps de voter pour le gala de CKRL 2013 pour la catégorie « Choix du public ». Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et votez pour votre émission favorite. En laissant votre adresse courriel, vous courez la chance de gagner un chèque cadeau de 25 $ de chez Popote, Papote et Potin. Les lauréats seront connus le 29 novembre prochain. Un seul vote par jour sera comptabilisé. C'est à votre tour de vous faire entendre. Tant vaut le village, tant vaut le pays. L'épicerie coop Les Grands Rangs. Le meilleur du Québec dans votre assiette. Des bons fromages et charcuteries régionales, des mets préparés du clocher penché et d'autres découvertes. Tout ça offert par une coop regroupant 80 artisans agriculteurs. Pour vos 5 à 7, un traiteur fromage charcuterie comblera vos gens. Pour le temps des fêtes, mangez votre territoire. L'épicerie coop Les Grands Rangs, c'est accessible à tous. Coin Caron, Saint-Joseph, quartier Saint-Roch, lesgrandsrangs.com. Maintenant à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales,

in perfect harmony, a planet with one mind. Then I could tell you all the things inside my head. I'm gonna sing my song and sing it all day long, a song that never ends. How can I tell you all the things inside my head? Cannot be shaken away. It lives deep within me, for I breathe it every day. You and I are yesterday's answers. The earth of the past come to flesh. Eroded by time's rivers to the shapes we now possess. like the sun. Come on, you painter, you piper. C'est sur cette musique de Van der Graaf Generator qu'on va se terminer cette semaine, l'opinion du chef. J'espère que vous avez passé un bon 2 heures. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 20h pour une autre édition de cette émission à laquelle vous êtes fidèle. Merci beaucoup d'être là. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. C'était Denis Barry depuis 20h. Je cède l'antenne à mes amis de Ton oreille à soif dans quelques instants de l'autre côté des publicités. Je vous souhaite une belle fin de soirée et une belle fin de semaine. Au revoir. Téléchargez l'opineur du chef sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette émission vous a été présentée par le Chicchio Café. Un accord mets son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Pourquoi la Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. En vente chez tous les bons marchands. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir.